peu différente, qui ne sera pas une conférence, mais qui sera une réflexion par groupe. Et avant que j'explique comment on va faire, je vais vous dire un conte très rapide. Monsieur la mort et les enfants de la vie. Il était une fois deux enfants qui se promenaient. La nuit tomba. Choisissant de ne pas marcher dans le noir, les deux enfants se reposèrent là, quelque part, en attendant le jour. Pendant qu'ils veillaient, Monsieur la mort vint leur parler. Les enfants avaient un peu peur, mais pas trop. Vous êtes généreux, vous ne m'utilisez pas, vous ne faites pas de mal aux humains, vous ne mangez pas les animaux, vous ne les faites pas souffrir, vous les respectez, vous les défendez, vous les protégez, vous les aidez, vous les aimez. Gardez espoir et confiance en vous, restez heureux, mon esprit vous guide. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos actions et de réaliser vos rêves. N'obéissant qu'à Dieu, depuis toujours et pour l'éternité, je suis votre ami. Ayant écouté attentivement, en paix, les enfants continuèrent leur vie. Après ce compte, en fait, le temps, c'est est-il possible de militer si on est seul? Alors, je propose que le groupe se répartisse en, mettons, 4 peut-être, c'est possible, 4 par 4 groupes, pendant environ 10 minutes, et d'essayer de répondre à ces questions. C'est comment faire, quoi dire, à qui, où, quand, quel matériel et quel comportement. Et pendant ce temps de réflexion par groupe, ce qui va bien, c'est qu'il y a une personne qui prenne des notes, et ensuite, après les 10 minutes, on se retrouve en grand groupe, et il y a chaque rapporteur qui dit pendant environ 2-3 minutes ce que le groupe a dit. Et ce qui serait bien en fait, si vous souhaitez, c'est qu'il y ait une personne de l'ensemble qui ne rentre dans aucun des groupes, mais qui fera, après que les 3 ou 4 rapporteurs aient parlé, moi je dirais aussi des petites choses, et ensuite cette personne qui est extérieure fera une synthèse. Ça vous va? Les questions que tu proposes, tu peux les redire? Comment faire? Est-ce possible de méditer si on est seul? Comment faire? Quoi dire? C'est-à-dire quelle phrase? À qui? Où? Quand? Quel matériel, s'il en faut? Et quel comportement? Un comportement de prendre. Ouais. Je viens de dire que c'était beaucoup trop subjectif pour Ouais, donc c'est bon. Prends des papiers. C'est parti. Alors, allez. Ça veut dire oui. Cinq groupes de quatre. Vous faites des papiers. Hein. Moi, j'ai pas compris. Je suis est-ce que vous pouvez matérialiser les groupes en par exemple, on va prendre le tour d'un banc, d'un autre banc, d'un banc là, d'un banc là. Mais vous pouvez aller venir. Thank you. Thank you. minutes, c'est bon ? Les si on discutait à ce moment-là, je trouve que ça va faire 30 €. Thank you. après on agressif quoi. Monsieur, on va commencer la restitution. Américaine. Tu as payé pour faire cette mémoire? Notre réponse est... $5. On connaît le passant. Bon, et ça va t'envoyer le... C'est-à-dire ne pas aller dans sa famille, voir ses amis, ses collègues, etc. si le repas n'est pas végétarien, entièrement végétarien. C'est-à-dire s'il y a juste un repas pour nous, bah, une autre idée, ce serait de faire des fêtes végétariennes, du fait qu'il y a un grand repas végétarien, des mariages végétariens, et éventuellement aussi fêter son anniversaire de végétarisme. Ça fait 10 ans que je suis végétarien, donc je fais une grosse fête pour mes 10 ans. Ça, c'est pas mal aussi. Avec une bouffe végétarienne. Au travail, refuser, alors ça c'est notre dernière proposition, au travail refuser certaines, alors soit certaines pratiques, mais bon, ça c'est quand on fait, certaines choses, par exemple, c'était Karine qui nous disait ça, des gants en cuir pour travailler, trouver une autre matière, un substitut, une alternative. Voilà. Ok, merci. Tu peux donner ta feuille, s'il te plaît. Merci. Alors, il y a dans le Nordia qui a commencé par dire que c'était assez difficile pour lui de militer. Ensuite, après, on a trouvé quand même des solutions. Alors, c'était faire une table de presse avec des images terribles, des images chocs et un message très simple. Il y avait une autre solution, c'était faire une table, mais non choquante. Ensuite, des lecteurs, réagir à des articles, écrire à des entreprises, voilà, tout ce qui peut se faire de façon écrite. Alors, aussi, la manif à initiative personnelle, qui est donc de partir d'un point seul. Toujours porté par des hommes ou des femmes qui avaient des convictions très profondes et qui avaient envie de vivre un moment de leur espace-temps et vie autour de ça. Donc ça existe, ça a existé, c'est quelque chose qui... C'est que, non, il partait, c'était un peu le, vraiment Terry Fox quand il a commencé, il a dit « j'en ai marre » et il a commencé à marcher. Donc sa famille, tranquillement, ça a fait... C'est Forrest Gump, quoi. Mais il disait quoi? Parce que moi, si je vais dans la rue en partant d'un point A, ça va être très bien. Si, parce que... Non, il y avait un minimum d'information au départ, de préparation, mais ça se faisait, il y avait un effet boule de neige. Ça a duré quoi? Lui, il a fait ça en... 4 mois, 5 mois. Il y a des personnes qui traversent les États-Unis pour militer contre la guerre, alors qu'ils n'ont pas de panneau et tout ça. Il y a beaucoup de médias qui disent à tout le monde ce qu'ils font avant de le faire. Et oui, on les suit. Et on sait qu'ils vont arriver à l'État et ainsi de suite. Le ouais, l'ordinateur. Il y a le téléphone pour ça. Les images. Ouais, mais c'est pas de super émission. Mais bientôt. Alors, il y a quel comportement, on va parler d'exemplarité, appliqué à soi, voilà, un comportement dans les interactions du quotidien, par capillarité, et chercher de nouvelles nourritures auprès des gens qui pensent que je vois, pour ensuite aller les autres. Aller rediscuter avec les autres. Bon, je pense qu'on a pris les questions de manière un peu plus abstraite. Et on était un peu que militants, un peu de militantisme entre guillemets. Éviter d'être trop militant pour bien militer quand j'écoute. Vous allez voir. Est-ce possible? Bah oui, mais c'est complexe. Parce qu'on a pris le terme de solitude un peu littéralement aussi, je crois. Parce qu'on a dit de toute façon on est seul dans l'absolu. Et on n'a pas le choix quand on est végétarien, végétarien. Parce qu'à partir du moment où on se trouve quelque part, les gens s'interrogent. Donc on n'a pas le choix. Militer, on ne sait pas si ça peut sembler militer, mais on s'explique. Est-ce que c'est en train de militer seul? Ça, on a laissé la question en suspens. Mais on a dit que plusieurs solitudes, du coup ça faisait plus de solitude. Donc chacun est seul, mais si chacun fait son pas, fait sa touche, etc., du coup on est tout seul. Alors, ça c'est possible. Comment faire? Alors, on a dit que pour expliquer, enfin, pour bien faire comprendre aux gens, il fallait d'abord commencer par arriver à les écouter, à les entendre, écouter au sens propre. Et du coup, de créer de vrais moments d'échange, qui est vraiment un échange et pas un quasi monologue où on dit notre idée, comme il faut entendre. Et comprendre même ceux qui sont en face de nous, et faire en fonction de ça, parce que ça va enchaîner. Donc, comment faire? En écoutant et en essayant de parler leur langue. Parce que chacun ne parle pas la même langue, et il faut y arriver à parler la langue de l'interlocuteur pour arriver à lui faire comprendre aussi. Que ce pour croire en nous. Alors, quoi dire? On a dit encore une fois, voilà, on est de lourd. On a dit encore une fois qu'il fallait dire ce qu'on ressentait profondément. C'est-à-dire pas des informations, pas que des informations, pas que des idées juste intellectuelles. Mais ce qu'on ressentait devant l'évolution des animaux, devant l'acte, le vécu, quoi. Il fallait arriver à exprimer le vécu. Et donc, les raisons profondes qui m'ont amené à faire le choix. Briser les pseudo-évidences. Oui, alors, quoi dire, on a dit aussi que c'était important, comme on parlait tout à l'heure, de dire aux gens que voilà, les doigts ne poussent pas dans le même arbre, les doigts de foie gras, les fruits de lait, etc. donc briser les choses qui paraissent évidentes, qui, dont on croit qu'elles arrivent sur les tables pour d'autres. Alors que voilà, les poissons panés, ils n'ont pas toujours été panés, donc c'est important d'attirer l'attention sur les autres parce que c'est pas toujours le moins. À qui ? Tout le monde est d'accord, tout le monde, donc je ne vais pas être présente, mais quand il y a une condition de l'unité seule, donc on dit à chaque fois, enfin, à commencer par un truc. Où et quand ? Ah, alors, où et quand on a relevé une question. On a pu faire que ça, parce que on a dit est-ce que les moments où on mange de la viande pendant les repas, on a dit que c'était les moments les plus délicats. Il y en avait qui disaient que c'était le pire moment pour en parler parce que c'était bon. Comprendre quelqu'un sur un bloc, sur le commun, etc. Est-ce que c'est pas le moment où il pouvait entendre, justement. D'autres ont dit que, justement, c'était le moment où... Ah ! La question qu'on a soulevée, il reste une question. Pas tous les cas, on était très certainement des choses. Alors, quel matériel ? Moi, en entendant ce reste, alors qu'on a eu le plus de moi de dire quel matériel, et ce qui me paraissait évident, c'était le langage au sens profond, encore une fois. Parce que c'est pas si simple, en fait, quand on dit, bien sûr, on parle en français, mais il faut arriver à se faire entendre. Et ça, c'est le matériel du langage. Bon, après, on a dit, comme matériel, hein, courage et temps. Comme matériel, prendre de son temps et avoir envie de faire quelque chose. Que ça te donne, que ce soit une raison de vivre et de faire pour toi. Ça, c'est, on a pris tout ça comme des matériels, comme ce qui te permet d'agir, de faire quelque chose. Donc voilà. Alors, quel comportement, pas d'agressivité, pas de prosélytisme, voilà. Donc voilà, c'était ça. Je peux proposer juste quelque chose par rapport à tout ce que tu as évoqué, notamment sur la relation à l'autre et l'échange, et sur la notion de l'écoute active, ouais, qui est celle d'aller voir ce que l'autre est fait de. Et quand on est en échange, c'est pas de se dire « j'ai raison », mais plutôt « je partage mon raisonnement ». Voilà, je fais juste la petite parenthèse. Mais tu sais que t'as raison. Je partage mon raisonnement. Ça peut être bien de jouer l'humour, plutôt que de jouer, de jouer sur le registre de l'humour plus que de la confrontation directe, enfin, je rentre dedans quand on n'a pas forcément les arguments, le caractère nécessaire à affronter les autres. Ça peut être bien quand on est seul aussi de participer au débat, aux discussions, faire circuler l'information, en participant aux discussions sur Internet par exemple, en fréquentant des forums, des listes pour répondre à des questions de ceux qui les posent à ces endroits-là, ou d'en poser d'autres, dans ces débats, en recherche des débats. Une possibilité aussi, quand on n'a pas forcément le courage d'aller face aux gens, d'affronter les discussions parce qu'on ne sent pas forcément les arguments, même si on en a, c'est pas toujours facile, de faire plus peut-être de l'affichage que de tracter, que de distribuer des tracts, aussi parce que je prends moins de temps, ça c'est moi qui dis comme ça, parce que je n'ai jamais le tractage, un groupe ou l'affichage dans le domaine. Quant au lieu affiché, que nous on a bien vu, parce que aussi je l'ai pratiqué, c'est les lieux d'attente comme les gares et les stations de bus. C'est vraiment en gros où les gens n'ont vraiment rien à foutre et il y a un truc qui leur tombe sous les yeux, ils le disent comme les salles d'attente effectivement, mais les gares et les bus étant des lieux plus vite, plus libres, on se demande d'aller rentrer dans une salle d'attente et comme une affiche, c'est pas facile, et généralement c'est pas clair à affronter. Alors qu'un arrêt de bus, bon, l'affiche, c'est dans longtemps. Mais néanmoins, une journée, si c'est un arrêt de bus bien sélectionné, c'est une longue qui dit. Donc ça peut être un très bon endroit. Les affiches, on peut tout à fait le faire seul. Il ne faut pas risquer de faire n'importe où, mais c'est quelque chose qui est possible. J'avais dit, montrer l'exemple, montrer que forcément c'est possible. Donc, d'être heureux, on n'est pas rien. Comme je disais, je vais être en bonne santé, de continuer toujours d'être heureux. Porter un t-shirt aussi, c'est pas mal, c'est mieux que tracter. Pour tracter, il faut il faut aller vers les gens, même si on n'a pas tellement envie de leur parler, on est obligé d'apprendre quelque chose et les gens qui font mon nom, voilà, que le journal soit gratuit, on n'a pas envie de prendre ou quoi que ce soit comme ça, on n'a pas envie de se faire filer des papiers. Alors que porter un t-shirt, par exemple, c'est quelque chose qui est tout simple. Après, ça peut engager la discussion et il faut voir si on est capable de tenir ou pas la discussion. Mais ça demande moins d'imposer quelque chose aux autres. Et ça permet quand même d'afficher ses idées pour qu'on soit parce que c'est pas toujours facile d'aller vers les gens et c'est même difficile des fois de. C'est. Le comportement. Agresser les gens, c'est quelque chose qui est. Alors, ce qui sortait là, on n'avait pas envie d'agresser les gens, de trop les provoquer. C'est pas facile pour les seuls de les provoquer, que ce soit face à ses amis, parce qu'on risque d'être un peu exclu, ou que ce soit face à des inconnus, où on se retrouve dans des situations pas forcément dangereuses, mais désagréables, ça on n'a pas toujours envie d'avoir. Pour le quand et où et tout ça, on est d'accord, hein, toutes les occasions sont bonnes, les moments qu'on a l'humeur sur le moment et qu'on se sent en forme, depuis c'est parti, quoi. L'exemple d'Yves qui profitait de la faire du stop pour parler d'antispécisme était assez bon, effectivement. Surtout qu'en plus, bon, comme on disait, enregistrer les discussions, c'était un bon principe. Et qu'est-ce que c'est d'autre que je n'ai pas dit? Oui, aussi se poser la question, savoir si on veut être relais ou acteur, savoir si on veut diffuser des tracts que les autres ont fait, dire je suis d'accord, je fais passer ces idées-là, se contenter de faire ça, ou être acteur soi-même dans son coin, tout à fait, c'est développer des idées, pousser la réflexion, écrire des tracts, développer des textes, écrire des poésies, des tas de choses qui sont possibles comme ça, qu'on peut faire soi-même. Et qu'on peut après se diffuser soi-même, dans son entourage, à des gens dans la rue, ou même diffuser dans le milieu pour que d'autres utilisent. Il y a des banques de documents sur différents sites où les militants peuvent aller chercher. Et tout à fait possible à quelqu'un qui est seul, mais qui n'a pas forcément le courage d'affronter les autres, mais qui a envie de se servir de sa tête et d'écrire, avec un bon skill, de faire ça, de donner des outils aux autres militants. Nous sommes en contrepris du fait d'être un exemple pour les autres. Un peu tout de ça, c'est qu'on est toujours à la base de soi, et par exemple, quand on a des gens qui viennent, c'est de parler de ces galères. Et quand les gens savent que tu es végétarien, c'est toujours une galère parce que tu es végétarien. C'est un peu tout aussi d'être un exemple pour toi, comme ça. Parce que c'est pas la question, c'est pas du temps d'être parfait. Merci. Avec là, t'as creusé un trou, là, et c'est pas une bonne idée parce que pendant 2 secondes, Et par contre, sur l'être, on n'a pas le droit de donner des signes de reconnaissance négatifs. Enfin, en tout cas, ce serait une erreur. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, t'es gentil, mais on ne peut pas lui dire, bon, maintenant t'es con. Parce que là, en fait, ça coupe la communication, en fait, on est dans le tort. Donc, on peut dire des signes de reconnaissance positifs ou négatifs sur le fait, par exemple, je ne suis pas d'accord, que tu manges des animaux. Mais en aucun cas, sur l'être, la personne, elle reste positive. Ensuite, donc, quoi dire? Alors, j'ai noté des questions que j'ai expérimentées un petit peu plus ou moins dans l'ordre. Il y en a qui marchent plus ou moins bien et ensuite qui s'enchaînent plus ou moins bien. Alors, il y en a des plus ou moins bien. Donc, il y a des scènes humoristiques quand on dit bonjour, est-ce que vous mangez des animaux? Non. Vous êtes végétarien? Non. Ah, des animaux, etc. Donc là, ça va empêcher une discussion, c'est une forme de question. Ça dépend de ce qu'on cherche, on peut dire aimez-vous les animaux? Oui ou non, est-ce que vous les mangez? Pareil, c'est une autre forme, mais bon, en fait, tout avoir des éléments positifs ou négatifs, ça dépend de son sentiment. Parfois, ça veut dire est-ce que vous êtes végétarien? Oui ou non? Donc, on expérimente ces questions et on voit après comment les gens agissent et là où se situe mieux. Alors, par exemple, après, ça va être, mettons oui ou non, ou alors pourquoi? Par exemple, est-ce que vous mangez des animaux? Non, pourquoi? Oui, non, pourquoi? Ben, est-ce que vous pourriez arrêter? C'est-à-dire que là, on enclenche directement sur, ah ouais, cette fois, on y vient, ah là, pourquoi est-ce que vous voulez arrêter? Pourquoi je ne sais pas? Alors là, c'est pareil, oui ou non, pourquoi? Ben, parce que les animaux, ils sont pas en vie. Donc, effectivement, si on garde en tête les animaux, ça permet en fait de recentrer le débat. Ça permet de. Parce qu'en fait, les animaux, c'est un petit peu une sorte de tourniquet et qui nous éjecte parfois à l'extérieur dans une discussion. Donc, ça permet toujours de se recentrer. Alors, comment? Alors, il y a plein de types. Ça, c'est bien du matériel. Et il y a plusieurs qui ont dit, mais la communication, la transmission orale est fondamentale. Avant, moi, je croyais qu'en fait, il fallait tout écrire. Avant, je travaillais pour les enfants et j'aimais ces sports, donc il fallait écrire des rapports, projets pédagogiques et tout. Et c'était la Bible, les lois, les textes. Et un jour, justement, une des personnes m'a dit, ah oui, ça, on sait, donc, il y a eu une transmission orale de fait. Et là, j'ai senti qu'en fait, c'était plus important, c'était une base. Que, en fait, même, il paraît que maintenant, on signe des contrats, on signe et ça a une valeur de vérité. Mais avant, il y avait la patch en Auvergne, et quand on était en confiance, on avait vraiment on était d'accord. La valeur orale, elle était plus forte. Donc, quand on milite, c'est bien d'avoir des tracts et tout, ce sont des choses plus ou moins supplémentaires, parfois indispensables. Enfin, on dit, ça dépend des cas. Croise la personne, elle a dit oui, mais ça m'intéresse, mais tu m'as rien envoyé. en fait, ce serait dommage. Donc, il ne faut pas perdre l'occasion. Et donc, réciproquement, si on prend des contacts d'amis qui sont aussi végétariens, on crée un réseau et puis on essaie de rentrer en communication, d'aller aux manifs, par exemple à la Veggie Pride, aux estivales, la semaine mondiale des animaux de laboratoire, c'est pareil, c'est une semaine qui est organisée nationalement par un autre groupe qui dit, ben voilà, en France, je ne sais pas si c'est dans le monde ou en France, mais pendant toute une semaine, on parle des animaux de laboratoire. Et là, donc, c'est bien de profiter de cette action pour dire, en tant que militant, bah, tiens, moi aussi, je suis sur le terrain à ce moment-là. Et si c'est, par exemple, un groupe anti-corrida qui passe dans votre ville, et bien, proche, que vous pouvez, vous vous joignez à eux, et puis vous aider pour qu'au lieu qu'ils aient 800 signatures, bah, quand vous êtes là, bah, ils en auront 1000 ce jour-là. Alors, donc, il y a aussi les petites gargotes, parfois, dans votre ville, ou dans votre coin, de végétariens qui s'organisent. Donc, on essaie de se greffer, de rester copains, et puis de se faire un petit peu ce que vous faites pour les copains. Donc, garder confiance en soi, essayer de persévérer, respecter l'interlocuteur. Et puis, sympathiser avec les autres groupes. Parler aussi sur les forums sur Internet. Les forums, c'est bien, parce que ça permet aussi de répondre à des questions, de ne pas sentir seul, en fait. Et puis aussi, essayer d'adhérer aux groupes qui sont pour les droits humains. Qui ne sont pas nécessairement pour les animaux, mais ça peut être des groupes pour la liberté d'expression. Et parce qu'en fait, il y a des groupes qui disent, bon, bah, d'accord, moi, j'en ai rien à fiche que je suis végétarien ou pas, ou carnivore ou pas, mais au moins, ce que je pense, c'est que toi, tu as le droit de t'exprimer. Donc ça, c'est bien aussi d'être un petit peu adhérent, entre guillemets, avec des gens comme ça. Il y a d'autres groupes qui disent, c'est pareil, moi, je ne suis pas végétarien ou carnivore, mais en psychologie, c'est bien, écoute, les gens qui vont nous aider à travailler. Et ça peut permettre aussi Et enfin, essayer d'avoir des bonnes relations sur les dans une ville avec sa mairie, le conseil général, le conseil régional, des autorités comme ça qui peuvent permettre à un certain moment d'avoir des aides, différentes aides. Par exemple, vous venez à la mairie et vous dites bonjour, est-ce qu'il y a des panneaux d'affichage public qu'on a droit? Alors ils disent non, et puis hop, ils donnent une liste, la liste de tous les panneaux avec le plan. Vous voulez aussi le plan de la ville, bonjour. Le lendemain, vous venez, bonjour, j'ai une copine, elle est végétarienne, ça fait bonne végétarienne, comment elle fait dans la cantine? Ah mais c'est végétarien, elle a rien, et tout, ben oui, alors là, vous avez le bâtiment là, après. Bon, alors voilà, le gouvernement il a prévu qu'on fait ça en fait dans tel cas, etc. Après, vous revenez le lendemain pour une question, et puis petit à petit, ben. Donc, si vous êtes seul, vous pouvez quand même avoir des liens avec votre mairie ou le département. Vous dire bonjour au département, au conseil général, qu'est-ce qu'on fait pour les animaux? Bah attendez, je demande. Ah donc, GCN, c'est pas le truc que vous êtes, non, c'est pas. Et donc, vous construisez les choses. Et que la lutte, ça doit vraiment travailler à la fois de la puissance j'ai un problème avec l'aspect sacrificiel qui aura la militité seule. Mais je parle des choses qui sont vraiment pénibles. Par exemple, dans sur le chômage, ou comme ça, moi, je ne vais jamais tracter seul à 9h, à 8h du mat avec une ATI, quelque chose comme ça. Et beaucoup dans le fond. Enfin, je trouve ça vraiment assez dur, quoi. Donc à la fois, c'est admirable, à la fois, je trouve ça. Une uniquement pas ta joie, ça te fait lâcher, donc c'est vraiment un problème, donc c'est important. Par contre, j'aime bien beaucoup comment on a travaillé cet atelier-là, justement, parce que la vie collective ou être ensemble, c'est pas forcément être en plénière tout le temps, ou justement, c'est souvent les mêmes qui parlent, etc. C'est plutôt aussi essayer d'inventer d'autres trucs pour justement tout le monde puisse s'exprimer, donc faire des moments à peu, des moments tout seul et des moments de retour collectif. Et je crois quand même ça a été plutôt joyeux à la réunion qui a eu lieu là. Donc c'est vraiment important de travailler ce genre de dispositif de travail aux prochaines estivales ou dans les réunions comme ça, quoi. Juste pour conclure, en fait là j'ai l'impression qu'il y avait justement une double question, parce que le végétarisme pose un problème de militance qui n'est pas le même pour tous les autres. Enfin, c'est-à-dire que si tu milites pour les sans-papiers, quand tu rentres, il y a une séparation entre le temps de militance qui ressemble à un temps de travail et le temps où tu es chez toi. Et que souvent, y compris même des militants masculins féministes, pouvaient être très sexistes quand ils rentraient chez eux. Et que le végétarisme oblige en fait à être un militant à temps plein, enfin à pas avoir de séparation entre ta vie militante et ta vie concrète. Et là, on a vraiment parlé. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que là, on a beaucoup parlé de comment être cohérent avec ce qu'on pense, en fait. Et à la fois, comment ça peut être dur. Enfin, donc là, il y avait à la fois les trucs du comment tu gères cette obligation à être militant tout le temps, et ce que peut être le travail de militant en allant vers les autres. Enfin, moi, je fais vraiment cette séparation-là. Il y a des groupes qui ont plutôt parlé de comment aller vers les autres, distribuer dans les supermarchés, faire de l'affichage, porter des t-shirts, organiser des matinées tout seul, mettre des autocollants dans des églises. Machin de Dieu. Sur les trucs lumineux ou à l'intérieur des trucs lumineux charal et des trucs comme ça ou sur les buffalo pig ou des choses comme ça. C'est important aussi de coller sur les objectifs militaires de l'écoute, je sais pas comment dire, enfin, comme ça, de l'ennemi. Il y a un truc qu'il faut péter. Enfin, c'est là où on peut aussi mettre la propagande là. Ça reste pas longtemps. Alors c'est vrai que ce qui est proposé, c'est. Ça reste pas, mais ça réfléchit, les employés lisent, ils savent que ça existe. Enfin, je veux dire, c'est aussi une des pratiques. Enfin, il y a les gens à convaincre et il y a les gens à faire chier. Et enfin, par le militant, je tiens un bras à corps de force. Enfin, il y a des ennemis, c'est quand même. Donc, ça, c'est plutôt l'aspect militance classique qu'on retrouve vraiment dans tous les mouvements. Et après, il y a les formes de vie, enfin, qui sont, à mon avis, spécifiques du truc vegan, mais qui, moi, me sont effectivement, ouais, parfois assez difficiles, justement, cette obligation de se justifier tout le temps, de comment parler. Enfin, là, c'était intéressant, même, comment est beaucoup revenu l'humour, la nécessité de ne pas rentrer dedans, d'avoir une écoute active, de ne pas être plutôt dans des partages de raisonnement, de ne pas juger. De toute façon, on est seul, il faut toujours s'expliquer. C'est vraiment, enfin, voilà, c'est pour ça que c'est difficile à tenir la militance végane, parce qu'il faut le faire vraiment à temps plein. Donc il faut, à mon avis, d'autant plus s'épargner quand même, vraiment s'épargner, quoi, pas s'imposer, pas s'obliger à tracter parce qu'on a mauvaise conscience si c'est désagréable, quoi. Plutôt choisir des trucs qui accroissent notre conviction ou notre force, et pas choisir des trucs qui nous dépriment, parce que sinon on ne tient pas, quoi, et un jour ou l'autre, Sinon, avant de vraiment c'est que parfois on est quand même seul, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas faire partie d'une équipe. Il y a simplement deux cas, c'est que d'abord parce qu'on ne connaît pas encore, c'est avant. Et puis il y a aussi deuxième cas, c'est bon, je suis d'accord qu'on est un groupe, mais le groupe après il y a la mort du groupe, il s'éclate avant, on skip avant de se retrouver éventuellement. Et quand on skip, on ne part pas tous en groupe, il y en a, ils vont se retrouver tout seul dans une ville, dans une campagne, c'est uniquement dans ce cas-là. Mais sinon je suis d'accord avec toi que en fait nous sommes un groupe. Oui, donc moi oui, c'est facile, je suis dans une vie avec des gens, donc pour faciliter de rencontrer des gens qui vivent comme moi, c'est plus facile. Voilà. Non, si j'avais un peu pas fini, ben je ne sais pas. Est-ce qu'on continue par le travail? Oui, je trouvais sympa qu'il n'y avait pas encore vu, c'est la forme, la manière de travailler. Ouais, c'est ce que non, mais je vais couper la langue.